Tranquille dans le monde du sport ce matin. On va quand même vous parler que l'Avalanche du Colorado hier a gagné très facilement par la marque de 6-1 contre les Sabres de Buffalo. Samuel Girard de Roberval a amassé une passe, a joué 15 minutes 20 et a terminé le match à plus 2. Maintenant, on va parler que du côté de la boxe, Francis Ntetou va remonter dans le ring ce samedi. Le boxeur de Chicoutimi qui a une fiche de 17 victoires, 2 défaites et 4 KO va affronter Eric Bazian, qui est un protégé de Eye of the Tiger. Bazian qui a une fiche de 20 victoires, aucune défaite. Donc ça risque d'être un sérieux stress pour le boxeur de Chicoutimi. Et on revient au hockey maintenant. Il y avait un match mercredi soir du côté des Aigles de Roberval au niveau Benjamin. Ils ont perdu 7-6 contre Cardinal Roy. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, plusieurs entrevues. On a parlé avec celui qui va amener la NBA à Montréal, Michael Fortier. Pascal Jobin réagit au propos de Michael Fortier. On a également parlé avec Simon Gaudreau des Aigles de Roberval et Mathieu Caron, qui est le commissaire de la Ligue du Lac au Fleuve, et va venir nous parler du début de saison. Rappelons que le multiconcessionnaire va débuter sa saison samedi à 20h au complexe sportif du secteur de Debeau. Ils vont recevoir la formation de Charlevoix. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.